c'est la fête. Brûlons les allumettes. On peut fermer les yeux, imaginer des nuits sans lendemain. On est jeune et heureux, on est très amoureux. On joue à se faire peur, toi la victime, moi la lueur. Et moi noyé dans mon whisky, j'ai raconté toute ma vie. Tout le monde s'est moqué de moi sans cette fille qui a croisé mes yeux, car il y avait une fille. Oui, il y avait une fille. Et il y avait une fille qui s'appelait Magali. Et il y avait une fille. Oui, il y avait une fille. Il y avait une fille qui s'appelait Magali. Tout est beau, tout est chouette au pays des alouettes. Je voudrais l'accueillir sans me piquer en chemin. On est jeune et heureux. Oui, la vie est un jeu. Je me prends pas au sérieux, sauf dans le cas des affaires du cœur. Et moi noyé dans mon whisky, j'ai raconté toute ma vie. Tout le monde s'est moqué de moi sans cette fille qui a croisé mes yeux. Oui, il y avait une fille, car il y avait une fille. Il y avait une fille qui s'appelait Magali. Oui, il y avait une fille. Oui, il y avait une fille. Oui, il y avait une fille qui s'appelait Magali. Et moi noyé dans mon whisky, j'ai raconté toute ma vie. Tout le monde s'est moqué de moi sans cette fille qui a fermé les yeux. Oui, il y avait une fille.